L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Presque au même moment où l'on apprend la mise en évidence de ce qui ressemble au couple de trous noirs supermassifs le plus serré vu à ce jour, vu entre guillemets, une équipe de chercheurs américains publie ses résultats sur des simulations innovantes justement appliquées à la fusion de deux trous noirs supermassifs très très proches l'un de l'autre. C'est la première fois qu'une telle simulation est effectuée, prenant en considération toutes les subtilités des équations de la relativité générale. L'équipe de Stuart Shapiro de l'université d'Illinois s'est attachée à simuler à la fois les phénomènes gravitationnels, mais aussi les rayonnements des disques de matière magnétisée accompagnant les deux trous noirs en appliquant les équations magnéto-hydrodynamiques en champ gravitationnel relativiste. Ils parviennent ainsi à produire un rendu en trois dimensions qu'ils ont produit sous forme d'une animation, d'une part montrant le mouvement des corps, et d'autre part l'évolution de l'émission d'ondes gravitationnelles qui accompagne inéluctablement une telle fusion de trous noirs, surtout lorsqu'ils sont supermassifs. Vous pouvez voir ces vidéos ci-dessous. Ces animations viennent d'être présentées lors d'une conférence de l'American Physical Society à Baltimore la semaine dernière. Le tout nouveau couple putatif de trous noirs supermassifs très proches l'un de l'autre serait formé de deux bébés de 10 milliards de masses solaires et découvert grâce à l'observation de signaux périodiques en provenance d'un quasar situé à plus de 10 milliards d'années-lumière et qui répond au nom de PSO J334.2028+01+4075. Cette étude est quant à elle parue également la semaine dernière dans The Astrophysical Journal Letters. Normalement, l'intensité lumineuse d'un quasar est variable, mais elle varie aléatoirement, sans aucune logique. Ce qu'ont observé Ting-Ting Liu de l'Université du Maryland et son équipe, grâce au télescope hawaïen Pan-STARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, c'est la présence d'une variation périodique dans le signal lumineux de PSO J334+2028+01.4075, avec une période de 542 jours. La seule solution possible à ce phénomène périodique, selon les auteurs, est l'existence d'un système binaire de trous noirs supermassifs. Et la période orbitale permet d'en déduire la masse et la distance qui séparent les deux objets. Cette distance de séparation ne vaudrait, d'après les auteurs, que 7 fois le rayon de Schwarzschild, soit à peine 0,02 années-lumière. C'est si proche qu'on peut parler en kilomètres. Ça fait 186 milliards de kilomètres. Ce qui conforte également Ting-Ting Liu et ses collègues, c'est que ce couple de trous noirs supermassifs, ce quasar en fait, se trouve exactement à l'époque de ce qu'on appelle le pic de fusion de trous noirs supermassifs, là où ce type d'événement est le plus fréquent. La recherche systématique de variations périodiques de quasars n'en est qu'à ses tout débuts. La suite du programme initié avec le télescope Pan-STARRS devrait étudier environ 1000 quasars répartis sur 80 degrés carrés du ciel. Et en 2023, le Large Synoptic Sky Survey fera le même type de recherche, mais avec un volume plus de 1000 fois plus grand, et devrait suivre plusieurs dizaines de millions de quasars et trouver probablement plusieurs milliers de couples de trous noirs supermassifs par cette méthode. Si la chance nous sourit, nous pourrons peut-être assister dans quelques années en direct à la fusion de deux trous noirs supermassifs qui auront été découverts juste avant leur tango infernal. Et nous pourrons alors conforter les belles simulations avec la réalité. On retrouve les informations relatives à ces articles, notamment donc le premier, 3D Simulations of Colliding Black Holes Hailed as Most Realistic Yet, par Ron Cowen dans Nature du 20 avril, et Ting-Ting Liu et ses collègues periodically varying luminous quasar at Z equals 2 from the Pan Stars. One medium deep survey, a candidate supermassive black hole binary in the gravitational wave driven regime. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, bien sûr. Et restez bien les yeux au ciel, avec les pieds sur terre, s'il vous plaît.